Contre l'hiver, ode de Théophile de Viaux. Plein de colère et de raison, contre toi, barbare saison, je prépare une rude guerre, malgré les lois de l'univers qui, de la glace des hivers, chasse les flammes du tonnerre. Aujourd'hui, l'ire de mes vers, des foudres contre toi, dessert. Je veux que la postérité, au rapport de la vérité, juge ton crime par ma haine. Les dieux qui savent mon malheur, cognoissent qu'il y va du leur, et, d'une passion humaine, participant à ma douleur, promettent d'alléger ma peine. La parque, retranchant le cours de tes soleils, bien que si courts, rien que nuit sur toi ne dévide. Puisses-tu perdre tes habits, et ce qu'au parc de nos brebis peut souhaiter le loup avide, t'arrivent tous les maux d'Ibis, comme le souhaite-toi, Ovide. Cérès ne voit point sans fureur les misères du laboureur, que ta froidure a fait résoudre à brûler même les forêts. Les champs ne sont que des marais, l'été n'espère plus de moudre le revenu de ses guérets, car il n'y trouvera que poudre. Tous nos arbres sont dépouillés, nos promenoirs sont tous mouillés, l'émail de notre beau parterre a perdu ses vives couleurs, la gelée a tué les fleurs, l'air est malade d'un catarrhe, et l'œil du ciel, noyé de pleurs, ne sait plus regarder la terre. La nacelle, attendant le flux des ondes qui ne courent plus, oisive au port et retenue, la tortue et les limaçons traînent leurs pas par les glaçons. L'oiseau, sur une branche nue, attend pour dire ses chansons que la feuille soit revenue. Le héron, quand il veut pêcher, trouvant l'eau toute de rochers, se paie du vent et de sa plume. Il se cache dans les roseaux et contemple au bord des ruisseaux. La bise, contre sa coutume, souffle la neige sur les eaux où bouillait autrefois l'écume. Les poissons dorment, tasserés, d'un mur de glace remparé, francs de tous les dangers du monde, forts que de toi tant seulement, qui restreint leur moite élément, jusqu'à la goutte plus profonde, et les laisse sans mouvement, enchâssés en l'argent de l'onde. Tous les vents brisent leurs liens, et dans les creux à éoliens, rien n'est resté que le zéphyr, qui tient les œillets et les lys, dans ses poumons ensevelis, et triste en la prison soupire pour les membres de sa Phyllis que la tempête lui déchire. Aujourd'hui, 1000 matelots, où ta fureur combat les flots, défaillis d'art et de courage, en l'aventure de tes eaux, ne rencontrent que des tombeaux, car tous les astres de l'orage, irrités contre leur vaisseau, les abandonnent au naufrage. Mais tous ces maux que je décris ne me font point jeter des cris, car eusses-tu porté l'abîme jusque où nous levons les yeux, et d'un débord prodigieux trempé le ciel jusqu'à la cime, au lieu de t'être injurieux, hiver, je louerai ton crime. Hélas, le gouffre des malheurs, d'où je puise l'eau de mes pleurs, prend bien d'ailleurs son origine. Mon désespoir, dont tu te ris, c'est la douleur de ma chlorée, qui rend toute la cour chagrine. Les dieux, qui tous en sont maris, jurent ensemble ta ruine. Ce beau corps ne dispose plus de ses sens dont il est perclus par la froideur qui les assiège. Épargne, hiver, tant de beauté, remets sa voix en liberté, fais que cette douleur s'allège, et, pleurant de ta cruauté, fais distiller toute la neige. Qu'elle ne touche de si près l'ombre noire de tes cyprès, car, si tu menes à soi sa tête, le laurier que tu tiens si cher et que l'éclair n'ose toucher, sera subject à la tempête, et les dieux lui feront sécher la racine comme le fait. Mais si ta crainte ou ta pitié veut fléchir mon inimitié, sois-lui plus doux que de coutume. Ronge nos vignes de muscat dont les muses font tant de cas. Mais, à la faveur de ma plume, dans ses membres si délicats, ne ramène jamais le rhume. Promène tes froids aquilons par la campagne des gelons. Grêle dessus les monts de trace. Mais si jamais tu réprimas la violence des frimas et la dureté de ta glace, sur les plus tempérés climats, le sien toujours est cette grâce. Sa maison, comme le saint lieu, consacré pour le nom d'un dieu, rien que plus d'or ne possède. La neige fonde sur ton toit un sacré nectar qui ne soit ni brûlant, ni glacé, ni tiède, mais tel que Jupiter le boit dans la coupe de Ganymède. Si tu m'accordes ce bonheur par cet œil que j'ai fait seigneur d'une âme à l'aimer obstinée, je jure que le ciel lira ton nom, qu'on ensevelira qu'au tombeau de la destinée, et par moi ta louange ira plus loin que la dernière année. Fin du poème, enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.